Bonjour, donc je suis Sébastien Layer, je suis maître de conférence en études cinématographiques et audiovisuelles au département donc, de l'Université Paris 3. Mes activités de recherche portent essentiellement donc, autour du cinéma militant, l'audiovisuel d'intervention sociale des années 60 et 70. Alors, mes recherches effectivement s'intéressent davantage aux productions réalisées sur pellicule en 35 mm. Elles sont assez rares, surtout en 16 mm et dans les formats substandards. Mais au fond, j'ai approché la vidéo au cours d'une recherche, d'une enquête filmographique que nous avons menée collectivement pour un numéro de la revue Cinémaction en 2004 qui s'intitule « Le cinéma militant reprend le travail ». Et je vois une continuité effectivement entre ce travail d'enquête que nous avions mené il y a déjà quelques années et qui visait à dresser un état des lieux, un état des sources existantes, des films militants, des vidéos militantes et des diaporamas militants. Nous avions référencé près de 700 titres sur la période 1967-1981 sur une thématique précise qui était la thématique du travail et des conflits sociaux. Mais ça avait été un travail extrêmement intéressant dans le sens où nous avions à la fois, nous étions replongés dans les revues, les catalogues de groupes militants. Nous avions notamment travaillé, pour ce qui concerne la vidéo, avec le collectif Mon Œil, qui nous avait beaucoup aidé justement pour identifier un certain nombre de vidéogrammes. Nous avions procédé également au sondage des archives nationales et régionales. Le projet était soutenu par les Archives françaises du film, la BNF, et puis par un certain nombre de cinémathèques régionales. Et puis également, ce qui avait été extrêmement précieux, c'était le travail, le recueil de témoignages des acteurs de l'époque à travers des grilles de questionnaires et des entretiens. Là aussi, ça nous permettait d'identifier des films. L'ambition de cet inventaire était l'identification des films pour lesquels il existait encore du matériel, donc des originaux ou des copies. Et donc la démarche visait justement à les référencer. Nous avions superposé à ce premier travail d'inventaire un second travail qui visait également à référencer les films pour lesquels nous n'avions pas retrouvé matériel de copie ou de matériaux d'origine, donc afin de laisser également ce champ de recherche libre. Ce travail également avait montré combien, lorsqu'on envisage cette cinématographie militante, qui est par essence, on pourrait dire, un objet d'étude fragilisé en raison de ses modes de production, de ses orientations idéologiques, de l'instabilité de ses supports et aussi de l'absence d'un auteur unique et identifiable, c'est au fond que considérer le travail d'enquête filmographique pouvait être une condition essentielle pour le travail de recherche. Donc c'est un travail que moi-même j'ai pu poursuivre dans le cadre de ma thèse, qui était consacrée donc aux événements de mai 68, où j'ai également prolongé ce travail de catalogue raisonné, visant à la fois à identifier ces films militants, également les localiser. Catherine Roudet.